Est-ce que tu pourrais maintenant, Jean-Luc, présenter voilà, brièvement Siamomati? Non, mais c'est très court, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Hein, donc, ça précède la création de Clivage en tant qu'association, c'est la première action. à l'époque, on avait bien commencé par agir. Voilà, donc on est parti à Trieste, il y avait ce matériel acheté donc par l'un d'entre nous, ma voiture, on s'était débrouillé avec l'hôpital pour être hébergé, et puis voilà. Et on y va. Basaglia. C'est Franco Basaglia. Il va parler un peu en français, un peu en italien. Alors, la chose principale de l'accord des chrétiens est d'écrire l'asile comme droit civil. Parce qu'il n'est pas possible qu'en termine une personne qui n'a pas, qui n'a fait rien du tout, qui n'a pas de danger à la société, n'est pas bien, il est enfermé parce qu'ils sont fous, parce qu'ils sont déviants. Basaglia a raison. Les fous, une fois dehors, se retrouvent face à leurs contradictions réelles. Ils ne sont plus fous alliés, mais prolétaires, sans logement, sans travail. Il demande si avant que Basaglia arrive à Trieste, tu as été interné à l'hôpital. Oui, j'ai été interné. Et aussi après Basaglia? Oui, après aussi. Est-ce que tu trouves que maintenant c'est mieux? Maintenant que c'est ouvert, que les gens ne restent plus à l'hôpital que quelques jours? Oui, la protection des lignes n'est pas effet en face. Parce que les gens d'habitude n'ont pas de façon. C'est bien de leur dire que vous avez aussi été dans le violent. Moi, je serais témoigné de ce que j'entends dire dans l'hôpital civil où je travaille, par des malades. Je parle à cette idée de Basaglia, comme je suis à l'hôpital. Par exemple, pour l'espace de quelques mois, on en dit plus trop de mal. Mais il continue à avoir des nouvelles, des récits de faits plus ou moins graves qui arrivent, prétendument, par la faute de la maladie mentale, qui entretient l'idée que le mal mental serait dangereux. Per colpa dell'ammalato psichiatrico, per cui si torna a rinfocolare l'idea che l'ammalato sia pericoloso. Possiamo dire che siamo matti ma non educati, cioè matti ma educati. Matti ma educati, on peut dire fou, ma... Un estremismo in qualsiasi campo, quindi anche nella storia è comunque sbagliato. Quindi un uomo che ha bisogno di stare chiuso in catenale, si è un genere che non è riuscito, ma che sta a essere lasciato in un corpo, ma già per caso, ma abbiamo un sonco elemento della persona, e data, adesso sappiamo che non si può quantificare già quella persona, di libertà, quella a due, e a quella a tre, di che continuare. Insomma, non esiste la stessa situazione, cioè si dice a torto, praticamente a torto, siamo tutti uguali, siamo tutti diversi. On est désolé effectivement sur le son. En fait, il se trouve que le haut-parleur, en fait, effectivement, est pas génial parce que quand on monte le son est ouais le son est normalement bon et tout à fait audible dans tous les cas. Le mixage là des deux pistes est un peu. Donc